de garder nos fontaines. Ne touchez pas à nos richesses, elles n'ont de prix que de les aimer. Un clocher d'église, une fontaine, c'est un héritage que j'aimerais garder. Place à la sélection du jour. Ah tiens, le premier Balance ton porc de la chanson française. Eh oui, une chanson de 1956 d'une jeune fille de 18 ans, Marie-Josée Neuville, la collégienne de la chanson, aujourd'hui complètement oubliée. La chanson, c'est Le Monsieur du Métro, un titre qui parle de harcèlement dans l'espace public, et qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait embêter et tripatouiller par un homme dans le métro. Alors sa réaction, je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire. À l'époque, on ne disait rien, on laissait faire. Et le conseil des mères à leur fille, si ça arrive, on se tait, on subit, on attend que ça passe, et après, on n'en parle plus. La chanson en réaction de Marie-Josée Neuville fit scandale. Elle fut censurée et interdite de diffusion à la radio. Le Monsieur du Métro, Marie-Josée Neuville. Parmi la foule automatique dans le métro, il me tenait d'affreux propos pornographiques auxquels rien je ne comprenais. En expertise digitale, une main chercheuse et discrète sur ma colonne vertébrale tapotait une musiquette. Je savais qu'en cette occurrence le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Un souffle puissant d'asthmatique et malodorant par surcroît m'obligeait à une gymnastique pour m'éloigner du maladroit. À me voir frétiller de la sorte, une dame en courroux s'écria pour la bagatelle de la porte. Elles sont championnes à cet âge-là. Je savais qu'en cette occurrence le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. En me retournant sans douceur pour insulter le téméraire, je m'aperçus avec stupeur qu'il était presque octogénaire. C'était un barbu abondant et le visage débonnaire qu'on voit sur les billets de 500 lui ressemblait comme un vieux frère. Je compris qu'en cette occurrence le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Mais au diable les convenances que m'enseignait ma maman. Peut-être qu'en cette circonstance, elle en aurait fait tout autant. J'apostrophais le vieux butor avant de franchir la portière. Souvenez-vous d'Hugo Victor, relisez-la d'être grand-père. Le prochain chanteur, Xavier, tu le connais d'une part parce que c'est un chanteur, mais tu le connais également parce que c'est un basketteur, et vous avez certainement dû vous croiser sur les parquets et sous les paniers nancéens, n'est-ce pas? Oui, Xavier réagit. Non, pas trop. Ça lui rappelle des souvenirs, le haut du lièvre et tout ça. Ok. Et bien maintenant, il est chanteur, Kikeza. Tu n'as pas répondu à mon dernier texto. J'ai tout gâché. Tu as tout fait pour cacher tes mots. Je n'ai pas vu ton départ venir. Je suis nul à chier. Je me rends compte que tu ne vas pas revenir. C'est la chanson du rappeur de Nancy. Dernier texto, qui qu'est ça ? T'as pas répondu à mon dernier texto. Je me dis peut-être que tu l'as pas vu, que tu l'as vu, mais que tu l'as pas lu. Et t'es parti juste après le resto, où tu me disais que t'en pouvais plus, que ce soit plus comme au tout début. J'ai tout gâché, t'as tout lâché, t'as tout fait pour cacher tes mots. Je n'ai pas vu ton départ venir. J'suis nul à chier, j'devrais placer tous mes cachets juste pour acheter mes fautes. J'me rends compte que tu ne vas pas revenir. J'sais pas si je saigne, si je dois faire le mort, mais je t'aime, moi c'est tout ce que je sais. J'sais pas si je saigne, si je perds le nord, mais je t'aime. Tu t'endors seul tous les soirs, et moi je vois très bien que je te déçois. Des fois je prends des grands verres dans des restoirs. J'regrette les fois où j't'ai dit laisse-moi. Tu t'endors seul tous les soirs, et moi je vois très bien que je te déçois. Des fois je prends des grands verres dans des restoirs. Je regrette les fois où je t'ai dit laisse-moi. Je t'ai tout dit dans mon dernier texto. J'aurais dû me douter de quelque chose. Quand j'y repense c'était trop calme. J'ai l'impression que tu passes à autre chose. Dis-le moi si c'est trop tard. Je veux pas que tu traînes avec d'autres gars. Si c'est le cas, je veux pas que tu me le dises. Je suis CK comme un fou, je prie, je tourne en rond comme un tourne-disque. Yeah. J'ai compris maintenant, je veux que tu reviennes, que tout soit comme avant. Oublie les gens qui font tout pour te distraire. Je sais pas si je saigne, si je dois faire le mort, mais je t'aime, moi c'est tout ce que je sais. Je sais pas si je saigne, si je perds le nord, mais je t'aime. Tu t'endors seul tous les soirs, et moi je vois très bien que je te déçois. Des fois je prends des grands verres dans des restoirs. Je regrette les fois où je t'ai dit laisse-moi. Tu t'endors seul tous les soirs, et moi je vois très bien que je te déçois. Des fois je prends des grands verres dans des restoirs. Je regrette les fois où je t'ai dit laisse-moi. Y'a écrit vu dessous mon dernier texto. Merde, cette fois c'est fini pour de vrai. Ouais, j'ai tout fait pour te perdre. Toi, t'as tout fait pour me faire voir à quel point j'étais naze. Est-ce qu'il me reste encore un espoir? Fais-moi juste un signe, je m'en fous, même un emoji. Faut que de toute façon je savais que je m'y ferais jamais. Touche-moi même juste pour me gifler. Quand on est tous les deux, plus rien ne compte. Le truc c'est qu'on n'est jamais tous les deux. Pourquoi je t'ai pas dit tout ça quand je t'avais sous les yeux? Et maintenant, un chant populaire créé en 1914. La chanson doit surtout son succès au Théâtre des Armées, où le chanteur Bach, pas Jean-Sébastien, mais non, un autre chanteur de la belle époque, chanteur Bach l'interpréta devant des soldats en permission, et cette chanson devint rapidement un chant militaire. Des paroles de Louis Bousquet, une musique de Camille Robert. La France de ce texte est bien celle du XIXe siècle finissant, une France rurale et provinciale, des amours passagères avant un mariage souvent arrangé, le vin et une sociabilité masculine de taverne permettent de comprendre la ténacité de l'armée française devant la Première Guerre mondiale. Camp Madelon, Line Renault. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Louroux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour.

comme John, c'est avant tout deux sœurs, aux deux caractères bien trempés et qui se complètent dans la vie comme à la scène. Au loin, c'est le titre du premier extrait de leur nouvel album. Titre pop, ils le collent à la peau du groupe en mixant à la fois les sonorités de la pop anglo-saxonne et une mélodie entêtante sur un texte en français. Acidulé, pétillant et frais, on retrouve bien Claire et Gaël dans leur univers frais et décalé, au loin comme John. J'habite un monde insensé, j'ai oublié le jour et l'année. Il est la même heure, quelle que soit la saison, au milieu de l'été des flocons. Je regarde au loin, je t'attends demain. Je regarde au loin, viendras-tu enfin? J'habite un immeuble abîmé, dans chaque pièce nous nous sommes aimés. Au cœur d'une ville, au long boulevard désert, perdu dans la nuit éphémère. Je regarde au loin, je t'attends demain. Je regarde au loin, viendras-tu enfin? J'habite un cœur endormi, le cœur étalé sans s'engourdir. La pluie le réchauffe et le soleil, hélas, passe sur lui sans laisser de traces. Je regarde au loin, je t'attends demain. Je regarde au loin, viendras-tu enfin? En 1971, Maxime Le Forestier et sa sœur décidaient de partir à San Francisco. Elles se rendaient à l'adresse conseillée par un ami belge et ils séjournèrent plusieurs semaines dans une maison bleue au milieu d'une communauté hippie où se côtoyaient entre autres des déserteurs du Vietnam et des homosexuels. C'est une chanson de 1972, San Francisco, Maxime Le Forestier. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare,

Grâce à une écriture percutante, à la fois mélancolique et rageuse, son style unique marque définitivement les oreilles des mélomanes et des poètes. Paradis, Antoine Ely. Allez, allez, viens, on danse, danse comme un jeu d'antan. Y'a plus la joie d'enfant, c'est pas grave. Laisse-toi balader dans le temps, c'est le panard. Tu sais, mon cœur t'attend tant que t'es pas là. Toi m'as fait lire mon fantôme, toi qui m'as fait fontaine. J'ai le souvenir en photo de ton visage. Dans le vent, j'ai senti ta peau dans mes bras. Vrai ou pas, danse avec moi dans le mirage. Oh, ta voix, t'es dans le ciel, tu voles. Résonne jusqu'en bas. Descends, j'suis au paradis. Oh, j'te vois. Partout idole, je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je pleins par mes gardes, c'est pas la fin du monde. Ta voix d'ange, ça me fait du feu dans le ventre. La tristesse est mortelle, a pas souffert. Ton souffle en descendant a traversé sans doute le sol des dieux, le ciel s'est ouvert. Toi ma voix, mon antenne, je quitterai le monde en terre. Je te rejoindrai chanter nos joies passées. Et avant qu'on m'enterre, je voudrais ma vie entière à t'entendre et me laisser traverser par le haut. Ta voix, t'es dans le ciel, tu voles. Résonne jusqu'en bas. Descends, je suis au paradis, moi. Je te vois. Partout idole, je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je perds par mes gardes, c'est pas la fin du monde. Je suis en sortie de sommeil, j'ai des envies de soleil, de ciel, je suis saoulé de mon souterrain. Ta voix dans mes oreilles, sous les rayons dorés, y a un temps de rêve, un temps de rien. Oh, ta voix, t'es dans le ciel, tu voles, résonne jusqu'en bas, descends, je suis au paradis, moi. Oh, je te vois. Je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je pleure par mes gardes, c'est pas la fin du monde. Santiano est une chanson française adaptée d'un chant de marin d'origine anglaise. C'est Hugo Frey qui interpréta la première version française sur un rythme plus rapide et plus joyeux. Et presque 60 ans plus tard, la chanson est reprise par les Kid United, nouvelle génération. Santiano, Kid United, attention, nouvelle génération. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau lycéo. Santiano, 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon. Je pars pour de loin en laissant Marco et Céo. Santiano, Noé Préchauff est un auteur, compositeur et interprète belge. À nous, c'est le nom du premier extrait d'un album à venir. Et sur cette chanson se mêle une pop délicate avec une poésie poignante et énigmatique, car Noé aime les mots et la chanson française. Alors que nous sommes au cœur d'une époque où l'on ne pense qu'à soi, il préfère unir nos forces en parlant de nous, et surtout en faisant passer certains messages. Sa manière à lui, c'est d'aller de l'avant, de braver le désordre actuel. À nous, Noé Préchauff. À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance. À nous qui devons mordre, et à nous dans l'urgence. À nous pas à la mode, à nous dans le décor. À nous qui ne savons pas comment tenir nos corps. À nous dans l'univers, à nous dans l'infini. À nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie. À nous dans l'écriture, et à nous sans les mots. À nous dans les ratures, et dans nos sacs à dos. Qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière. À nous dans le métro, qui cherchons la lumière. À nous qui poursuivons des perdants magnifiques. À nous dans l'illusion d'un chemin prophétique. À nous qui débordons dans les rires et les larmes. Qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flamme. Quand on avait 10 ans, à grandes enjambées, pédalant pour l'éternité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous, parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou. On peut avoir des droits et marcher à genoux. À nous qui nous parlons, nombreux dans le miroir. À nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir. À nous les trop polis, qui n'en pensons pas moins. Qui tendons l'autre joue, mais qui serrons les poings. À nous qui passons pour des antipathiques. Et surtout pour des cons à chercher l'authentique. À nous dans les chansons d'il y a 40 ans. Mais à nous qui guettons devant. À nous dans les bobines, dans le grain maladroit. Dans les cartes postales et dans les feux de joie. À nous qui ne vendrons jamais nos vérités. À nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin. À nous qui sommes là, qui tombons comme chacun. Dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop-plein. Mais qui nous préparons à quand ce sera fini. Quand il faudra se parler et redevenir amis. Quand on pourra se dire tout est son contraire. Sans que ça doive passer par une carte mère. Quand on ne pourra plus savoir qui va où. Savoir qui vaut combien et qui se fout de nous. À nous sans drapeau, à nous sans étiquette. À nous sans lingots, à nous sans paillettes. À nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs. Qui ne maquillons pas nos nuits de déboire. Qui ne trinquons pas sur les places branchées. Qui siphonnent dans le vent notre fragilité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide. À vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents. À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous. Au milieu des années 70, le groupe antillais La Compagnie Créole jouissait d'une véritable reconnaissance en métropole, avec un répertoire ensoleillé et joyeux, synonyme de fête. Et sollicité pour participer à la présélection française pour le concours de l'Eurovision, c'était en 83, leur producteur Daniel Vanguard accepta et composa une mélodie très dansante. Il écrivit alors un texte faisant référence à Pablo Picasso. Comme dans les tableaux de Pablo Picasso, ah, ça marchait bien. Malheureusement, il y avait des droits à payer pour l'utilisation du nom de Pablo Picasso. Il y avait des héritiers. C'est son parolier, Jean Kruger, qui lui suggéra d'écrire des paroles libres de droit, faisant référence au célèbre peintre naïf, le douanier Rousseau. Déception néanmoins, la chanson ne se classa que deuxième à la présélection française. Magouille, magouille. Cependant, le succès obtenu auprès du grand public fut énorme. Et nous vous proposons la version longue. Alors, celle-ci, vous n'avez jamais l'occasion de l'écouter. Et surtout, ne manquez pas le solo de guitare. Vive le douanier Rousseau, La Compagnie Créole. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle en permanence. C'est comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Dans les